Entraînement ODELF A2, production orale, les clés pour l'entretien dirigé. Exemple. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur, vous pouvez vous asseoir. Merci. Comment vous vous appelez? Inigo Lassa. Vous êtes étudiant? Oui, j'étudie histoire de l'art à l'université. Je suis en troisième année. Ça vous plaît? Oui, j'aime bien parce que je peux connaître l'histoire de beaucoup de pays et de beaucoup d'artistes. Et vous pratiquez une activité artistique? Oui, je peins. Je ne suis pas très bon, mais j'aime bien peindre des paysages, des rivières, des montagnes. Et puis, j'aime bien peindre aussi la ville. Je suis né dans un village et je pense qu'une ville, c'est vraiment intéressant. Il y a beaucoup de choses à peindre, des gens, des monuments. Bien. Merci. Et votre famille, elle habite ici? Non, non, ma famille habite dans un petit village tout près de Bilbao. Très bien, merci.